La police, depuis 45 ans que j'y suis, a rendu d'immenses services aux familles, de 1799 à 1815. Depuis 1820, la presse et le gouvernement constitutionnel ont totalement changé les conditions de notre existence. Aussi, mon avis a-t-il été de ne pas s'occuper d'une semblable affaire, et monsieur le préfet a eu la bonté de se rendre à mes observations. Le chef de la police de sûreté a reçu devant moi l'ordre de ne pas s'avancer, et si par hasard vous avez reçu quelqu'un de sa part, je le réprimanderai. Ce serait un cas de destitution. On a bientôt dit « la police fera cela ». La police, la police. Mais mon cher maître, le maréchal, le conseil des ministres ignorent ce que c'est que la police. Il n'y a que la police qui se connaisse elle-même. Les rois, Napoléon, Louis XVIII, savaient les affaires de la leur. Mais la nôtre, il n'y a eu que Fouché, que Monsieur Lenoir, Monsieur de Sartine et quelques préfets, hommes d'esprit, qui s'en sont doutés. Aujourd'hui tout est changé. Nous sommes amoindris, désarmés. J'ai vu germer bien des malheurs privés que j'aurais empêchés avec 5 scrupules d'arbitraire. Nous serions regrettés par ceux-là même qui nous ont démolis quand ils seront, comme vous, devant certaines monstruosités morales qu'il faudrait pouvoir enlever comme nous enlevons les boues. En politique, la police est tenue de tout prévenir quand il s'agit du salut public. Mais la famille, c'est sacré. Je ferai tout pour découvrir et empêcher un attentat contre les jours du roi. Je rendrai les murs d'une maison transparents. Mais aller mettre nos griffes dans les ménages, dans les intérêts privés, jamais tant que je siégerai dans ce cabinet, car j'ai peur... De quoi ? De la presse, monsieur le député du centre-gauche.